équipe, je suis le R9, baby. On va pas toucher le fond. J'ai mis le plein dans le R8, baby. Mais quand je suis sous, je fais le con. Et je pense à toi quand je suis sous potion. Des fois, je fais des bails, t'es pas là-bas, mais je suis calibré. Pour toi, je fais sauter la potion. Combler tes désirs dans les îles, tellement validé. Mon bébé, donne-moi ta main. Bébé, donne-moi ta main. J'échangerai mes streams pour tes sentiments. Bébé, donne-moi ta main. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. T'emmène-moi de tous tes problèmes. Ton cœur, tu dois venir avec. T'emmène-moi de tous tes mabelles. Ton cœur, tu dois venir avec. Dans mon équipe, je suis le Zidane Zinedine. J'ai la berline dans le fond. C'est ta présence qui me fascine, baby. J'ai rien à dire, t'es le sang. Et t'aimais, je suis bon qu'à ça. Mais comment te dire que mon cœur voulait t'inviter? J'espère, je suis pas de passage. Tu sais que mon camp, c'est ton camp, c'est nos qualités. Mon bébé, donne-moi ta main. Bébé, donne-moi ta main. J'échangerai mes streams pour tes sentiments. Bébé, donne-moi ta main. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. T'emmène-moi de tous tes problèmes. Ton cœur, tu dois venir avec. T'emmène loin de tous tes mabelles. Ton cœur, tu dois venir avec. Tu m'as rendu bête et j'oublierai jamais. Je paierai tes dettes, toi t'as trop de valeur. Ton amour, c'est-il pas dans l'illégal? Depuis que je t'aime, c'est fini la galère. Tu m'as rendu bête et j'oublierai jamais. Je paierai tes dettes, toi t'as trop de valeur. Ton amour, c'est-il pas dans l'illégal? Depuis que je t'aime, c'est fini la galère. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. Ah, t'es mon paiement validé. Ah, mon paiement validé. Je t'emmène loin de tous tes problèmes. Ton cœur, tu dois venir avec. Je t'emmène loin de tous tes mabelles. Ton cœur, tu dois venir avec. Mon bébé, donne-moi ta main.